Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Évidemment, Terra Incognita, comme à chaque samedi soir de 10 à minuit. Ce soir, c'est Michel et Bruno. On est avec vous là, pendant 2 heures. Et préparez-vous, ça va être une sacrée bonne émission. On va commencer avec... on va faire un petit tour du côté de l'Italie, qui, soit dit en passant, était... une terre assez fertile depuis quelques mois. Là, je dirais que la plupart des groupes intéressants nous parviennent d'Italie. Là, qu'on pense à la Coscienza di Zeno. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là, dernièrement? Juste parce que je veux le dire, ben, il Cerchio d'Oro. Et puis, ce qu'on va écouter dans quelques instants, Not a Good Sign. C'est pas un nom tout à fait positif et réjouissant, mais faut pas se fier sur ça, c'est vraiment excellent. Ça fait un peu bizarre pour un groupe italien parce qu'ils sont dans la vague, un son plus scandinave, comme vous allez pouvoir le constater. On pense des fois là, à Nick Dalton, un peu Anglagarde. Enfin, je vais vous laisser juger dans quelques instants. Donc, restez des nôtres avec Bruno et Michel. On a plein de bonnes musiques. Je peux vous nommer quelques nouveautés qu'on va avoir ce soir. Le nouveau Majestic, qui s'appelle V.O.Z. On a aussi le nouveau Resistor. C'est un disque en concert au Rossfest. Le nouveau, tout nouveau, Arabian Aspic, qu'on a eu l'occasion de voir l'année dernière ici. Comedy of Error, enfin, un autre groupe italien que pour nom, ça je vais essayer de le prononcer, Homunculus Res. Donc, comme vous pouvez voir, on a de quoi vous tenir, pas occupé, mais en tout cas, maintenez votre attention jusqu'à minuit. Donc, on y va avec Not a Good Sign. We'll be right back. was deep in my bones, under the skin, in the frozen wind. We'll be right back. secrets from afar. Voici Mikey G en direct du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Oui, c'est Mikey G en direct du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Et puis, il faut absolument soit que je vende ou échange mon chien parce qu'il court pour contrôler pour moi. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cirque et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Drive. Attention, veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée aux néo-progressifs avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Nouvelle-Zélande est un pays reconnu pour ses joueurs de rugby. Elle est aussi reconnue pour un petit oiseau appelé Kiwi qui a un fort joli cri. Elle produit aussi un superbe houblon appelé Nelson Sauvin qui donne un goût exquis à la nouvelle pale ale de la Barberie. La Nelson Sauvin en vend partout pour un temps limité. Quel joli cri! De retour, on jette un coup d'œil sur la dernière demi-heure. On avait bouclé avec Days Between Station de leur plus récent In Extremis. C'était la pièce No Cause for Alarm. Et je le répéterai jamais assez, ça va être un des disques de l'année. In Extremis de Days Between Station. Tout juste avant, il y avait Resistor, live à Trossfest, le festival qui a lieu là, chaque année, là, un peu avant Terra Incognita d'ailleurs, peut-être deux semaines avant. Et ça a été enregistré l'année dernière, donc Resistor live at Rockfest. Et c'était la pièce To the Stars qui n'apparaît sur aucun disque, selon ce que le leader m'a dit, Steve Unruh. C'est une pièce qui va, excusez, c'est la pièce titre du prochain disque de Resistor qui devrait normalement être lancé cet automne. Donc Resistor live at Rockfest. Et on avait pour donner le coup d'envoi ce soir, on avait deux pièces de Not a Good Sign. Une excellente formation italienne, malgré le chant anglais qui peut laisser croire le contraire. Et non, c'est des Italiens et qui donnent en plein dans le prog scandinave. Donc, c'est pas typique, mais c'est excellent. Et c'est le disque, simplement pour titre, Not a Good Sign. C'est pas un bon signe, mais je pense que c'est le disque vient démentir la phrase. On continue, nous, 10h32, donc, on continue en musique avec, cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de la Norvège. Un groupe qu'on a vu ici, à Québec, dans le cadre de la Convention Terra Incognita, il y a 2 ans. Certains vont s'en rappeler. Arabs in Aspic. C'est leur tout nouveau Picture in the Dream. Et, la pièce s'intitule, je vais s'excuser pour mon norvégien, Vimotes Sikkert Igjen. Donc, on y va pour notre deuxième demi-heure, donc, avec Arabs in Aspic. We'll be right back. en trell som ga av deg selv. Alt du har skapt evig fortapt. Vår du sa farvel til kjødet og spill. Du vet ikke når det kveld. Hvem jeg selv om det bor i meg? Du møtes og sikker igjen. Det det kveld. Du spiste deg selv.

Yeah!

The Bulbs, non, dans le fond, c'est pas The Bulbs, c'est Bulbs, tout court, B-U-L-B-S. Ça nous vient d'Angleterre, c'est ce qu'on a écouté là, en conclusion de la dernière demi-heure. Bulbs, donc, et le disque s'appelle On, la pièce des Can't Control the Weather. Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment contrôler la température, mais un petit peu d'air frais serait le bienvenu ce soir. Surtout ici, nous, Bruno, il y a comme l'impression d'être dans un bain sauna, là, de l'autre bord. Mais on se plaindra pas, il n'y a pas de neige, hein? La vie est belle. Tout juste avant, on avait, Not a Good Sign, je vous l'avais dit, et j'ai tenu parole, donc une troisième pièce ce soir. Vous allez finir par croire que j'aime ce disque-là, et je pense que vous avez raison, donc Not a Good Sign, ça nous vient d'Italie, comme plusieurs formations des derniers mois, pour être plus... je pense à Unreal City, qui est arrivé avec un excellent premier disque, et le Cerchio d'Oro, qui est revenu d'ailleurs après quelques années de silence. D'ailleurs, on va en entendre dans quelques instants. Il y a aussi la Coscienza di Zeno qu'on va entendre, un autre groupe italien. Donc, Not a Good Sign, c'était la troisième pièce ce soir. Et tout justement, il y avait Majestic, ça nous vient des États-Unis, de leur plus récent et double. En fait, je dis de leur plus récent, mais c'est surtout... la création d'un musicien multi-instrumentiste avec évidemment des amis, Jeff Hamel, donc V.O.Z., ça c'est le titre du double album, et c'était la pièce Around the Sun, et évidemment Robin Aspic, nos Norvégiens préférés, qui nous ont rendu visite il y a 2 ans dans le cadre de la convention. C'est un extrait de leur plus récent disque, Picture in a Dream. Et je me risque encore en norvégien, et la pièce Vi Motes Sikkert Igjen. J'ai aucune idée, mais c'est ça. Et c'était chanté en norvégien, comme vous avez pu remarquer. Cette fois-ci, on va aller faire notre. Ben, comme c'est ça, comme je vous disais, on retourne en Italie avec Il Cerchio d'Oro, de leur tout chaud, Dédalo et Icaro. C'est la pièce Labyrintho. Évidemment, c'est sur les ondes de CKRL-MF, ou comme dans le temps, on disait. 89.1 et Michel et Bruno jusqu'à minuit. Thank you. querce immagine imponente, dall'arbusto immobile, statica virtù perseveranza, scuote il cuore e la memoria è qui. È iniziata un'altra guerra, atavici utensili sulla terra, un dialetto originario di Crimea, intagliato dal tempo, lo sguardo incline alla malinconia, il corpo avvezzo a sopportare il peso della sconfitta e della malattia. Consumati dal vento, obbligati a reggere, turni di lavoro fuori dal tempo, l'ombra plutocratica di chi ha inventato questa guerra, la brezza gelida al crepuscolo. Sfiorato la vecchia dimora mia. un autre extrait du double album de Majestic, V-O-Z, c'est V.O.Z. Et c'est l'exception à la demi-heure qui vient de s'écouler, c'est le seul groupe américain, le reste c'est tout de l'italien. Tout juste avant, on avait Demonia, du disque Zombie of the Down Dead, avec Monsieur Claudio Simonetti, et la Coscienza di Zeno, Sensitiva. Le plus récent, c'est leur deuxième disque, et un groupe qui a pas mal maturé en deux disques, là, franchement, c'est prometteur. Et on avait commencé avec Il Cerchio d'Oro, Dédalo et Icaro. Ça, c'est un groupe qui avait quasiment disparu, ben, pas quasiment, qui avait disparu de circulation pendant quasiment pas loin de 20 ans. Et puis, il y a comme eu une vague ces dernières années là, d'anciens groupes italiens qui se sont reformés. Et puis, ben, eux font partie du lot. Il Cerchio d'Oro, un extrait donc de Dédalo et Icaro. Il est quasiment le temps des pubs. Je regarde Bruno l'air songeur. Juste pour vous dire que quand on de retour, on va écouter un groupe qui a pour nom Comedy of Errors. C'est de leur plus récent, Fanfare and Fantasy. Et c'est notre dernière demi-heure, mais il y a encore plein de bonnes choses à écouter. Mais non, il n'y aura pas de note à Good Sign. Je pense qu'après trois pièces, on est quasiment sur le bord de jouer le disque au complet, mais je vous promets qu'il va en avoir pour un autre soir. On y va donc, nous, avec les messages d'intérêt public, comme dirait un animateur des années 60, que je ne nommerai pas. Et on vous revient avec Comedy of Errors. C'est Michel et Bruno, Terra Incognita, sur les ondes de CKRL FM 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème « Anatomie d'un bénévole », le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée aux néo-progressifs avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Please don't mind me asking if it's all the same. To me it's my life, to you it's a game. Where is the gain in all of this pain? Let her light shine on me now. on the water of despair. Land your hopes upon the ground. Let it grow and flower into bloom. In the garden of your mind, cast your dreams into the darkness of the night. Catching hold, we share our fantasy. Let our dreams entwine our separate worlds. Join forever, we are one. Join forever, we are one.

Everyone was dressed in gold with books like mine. They stared but never wrecked the inside. For an hour or so every day, this gave them energy, so I did the same and stared. Intelligence or a dog. In 10 years' time, we're going to have robots with perhaps Allô? This is Simone Rossetti from The Watch. Vous êtes en train d'écouter Terra Incognita Radio Show. So, enjoy the listen. A bientôt. Et petit retour dans le temps avec The Watch, un extrait de Vacuum. Oui, ça fait longtemps. Mais ça demeure toujours pertinent et même, je vous dirais, j'ai encore le poil qui me dresse les bras. Donc, c'est bon signe. The Watch, un extrait de ses Shining Bald Head, un extrait de Vacuum. Nos Britanniques, tout juste avant, là, Bulbs, de leur disque On. C'est Bruno me disait, ça me fait penser un peu à Zurich. Oui, d'accord. Je suis prêt à y donner ça. Et tout juste avant, on avait de T-Club, un extrait de leur plus récent disque, qu'ils nous ont d'ailleurs présenté dans le cadre de la convention Terra Incognita en mai dernier. En passant, je remercie tout le monde encore pour ce succès. Ça a été 3 jours de grand plaisir et de concerts à vous donner des frissons tout le long dans le dos. Et T-Club, justement, ça fait partie de cette catégorie-là, de leur concert, surtout celui du lundi après-midi, était vraiment incroyable. Donc, de T-Club, un extrait de Quickly, Quickly, Quickly. Et, mon Dieu, on avait commencé avec Comedy of Errors, Fanfare and Fantasy. Je pense que c'est déjà le temps que je vous laisse. Oui, Bruno me fait signe que je parle trop. Donc, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Même heure, même poste. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Bonne soirée, restez des nôtres. L'autoroute dans quelques instants. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est encore moi. Vous vous souvenez du t-shirt 40e anniversaire de CKRL? Bon, on a encore toutes les grandeurs. Petit, moyen et large, mais il est en vente, 15$. Wouh! 5$ de rabais, c'est pas si pire. 405, 3e avenue, Limoilou, pour un temps limité. Salut. Voici Mike G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike G, je suis présentement... J'ai plein de temps d'antenne avant. Vous êtes plein de Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. I think he always knew he would, and... You know, he was kind of like a guy who, I always think of somebody who's on a train, and you know,